Je t'ai plumé sans plus, sans fureur, quelle erreur. Je t'ai plumé à sang jusqu'au cœur, elle rit de son heure. Ne jetez plus vos mouchoirs enrhumés, ils sécheront mon cœur. Je ne t'aime plus, moi je veux ma femme que j'ai plantée pour toi en pleurs. Moi je croyais que si elle me souriait, c'était parce que elle en voulait à mes yeux. Alors je lui ai dit, allez viens par ici et moi je vais te montrer ce que c'est qu'un homme dans un petit coin, bien à l'abri. On s'est serré, on s'est souri. Et là soudain, je n'étais plus le même dans un élan de... Je lui ai dit, je t'aime. Je t'ai plumé sans plus, sans fureur, quelle erreur. Je t'ai plumé à sang jusqu'au cœur, elle rit de son aveu. Ne jetez plus vos mouchoirs enrhumés, ils sécheront mon cœur. Je ne t'aime plus, moi je veux ma femme que j'ai plantée pour toi en pleurs. Quand je pensais, c'était à elle. Et quand j'avais faim, c'était d'elle, je mangeais plus rien. Les assiettes froides qui s'entassaient, mes regards vides qui maigrissaient, et son prénom sur mes lèvres jaillit du fond de mes rêves, me trahissait. Alors j'ai pris mon vieux stylo et j'ai écrit ces quelques mots. Écoute ma femme, tout est fini, je pars ainsi refaire ma vie. Et je suis un salaud, c'est vrai, je te plante avec les deux mots, mais c'est vrai. Mais bon, la vie me fait un cadeau trop beau, je peux pas lui tourner le dos. Oh oh oh. Personne ici n'a jamais trompé sa femme. Bon, de toute façon, ça ce qui serait passé si tout s'était bien passé. Seulement quand je me suis pointé à Roissy, Charles de Gaulle, aéroport de Paris, bah, elle était plus là. Elle disparut, envolée la petite, avec les billets, les travelers chèques, et puis tout quoi, elle m'avait bien eu. Moi, je suis resté là un petit moment, comme un pauvre type, faut le dire. J'ai pensé à des choses, à d'autres, à ma femme, et là... Là, je me suis dit que j'étais peut-être allé un peu vite en besogne finalement, et que pour moi c'était elle que j'aimais, et que j'avais pas le droit de lui faire ça. Et alors ? Alors je l'appelle depuis la cabine téléphonique, je lui dis ah, allô, chérie ? Oui ? Ouais, c'est moi. Qui ça, toi ? Bah, moi ? Ah, oh, c'est enfin, toi. Ce qu'il en reste. Ah, il m'est arrivé un truc de fou, faudrait que je raconte ça. Toi. Et toi, alors, comment ça va en fin de compte ? Comment ça va ? Bah, je suis tombé. T'as eu mon oui, j'ai eu ton ouais, je suis un salaud, c'est vrai. Et je t'ai planté avec les deux mondes, c'est vrai, mais écoute-moi, chérie, il faut que je te dise, que je t'explique. Et je t'aime. Elle avait accouché. La salope. Hey. Non, non, non. Nicaragua. Hey, Ibiza. Belle connerie, cette histoire de partir refaire sa vie au Nicaragua. Hein? Si c'était à refaire, affirmatif, je le referais. Hein? Avec une femme de 30 ans de moins que moi, no comment.